Donc nous sommes arrivés au chapitre 22. Al-Mabhath al-Thani wal-Ishrun. Akhta'u ba'd as-sa'imin. Donc le cheikh a écrit un chapitre ici qui s'intitule Les erreurs de certains jeûneurs. Donc on va les énumérer sans pour autant détailler comme l'a fait le cheikh pour pas trop sortir du sujet. Donc la première erreur qu'il a citée, c'est Adamut Tafaqquh. C'est le fait de ne pas apprendre les règles du jeûne. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose dont on se plaint tous les ans. C'est que beaucoup de gens jeûnent, mais ça ne leur vient même pas à l'esprit de se dire qu'est-ce qui casse le jeûne, qu'est-ce que je dois faire quand je jeûne, à quelle heure je dois arrêter de manger. Voilà, c'est vraiment dommage. Quand ça vient des gens qui ne font pas la prière, on peut comprendre, mais quand ça vient des gens qui font la prière et qui vont à la mosquée, c'est là qu'on ne comprend rien. Comment tu peux faire un truc dans ta religion pour Allah, tu sais que c'est un des piliers de l'islam, et ça ne passe même pas à l'esprit de lire un livre ou de te renseigner pour savoir quelles en sont les règles. Et de là, après, on a toutes les questions ridicules qui tournent tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'elles dénotent que la personne elle n'a rien appris, elle n'a même pas fait le moindre effort, parce qu'en faisant le moindre effort, on balaye déjà une grande majorité de questions. Certaines questions, elles dénotent que la personne n'a fait aucun effort pour apprendre. Et aussi, on a, en dehors des questions, toutes les histoires du style le gel, ça coupe le jeûne, etc., etc. Tous les trucs bidons que les gens ils se refilent les uns aux autres. Pourquoi ? Parce qu'ils n'apprennent pas. Alors, ils ne font que de répéter ce qu'ils entendent à la maison, ce qu'ils entendent dans le quartier, ce qu'ils entendent devant la mosquée, etc. Le deuxième point, c'est Adamu l'istihya min Allah haqq al-haya. Le fait de ne pas avoir honte d'Allah comme il se doit. Donc là, il a cité un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba radiallahu anhum istahyu min Allah haqq al-haya. Ayez honte d'Allah comme il se doit. Et les sahaba ont répondu Inna nastahyi walhamdulillah. Ils ont dit on a de la pudeur, on fait preuve de pudeur. Alhamdulillah. Donc il leur a répondu Laysadak, il dit c'est pas de cela dont je parle, c'est pas de la simple pudeur. Walakin ilistihya'u min Allahi haqq al-haya, an tahfaz al-ra'sa wa ma wa'a. Il dit mais avoir honte d'Allah comme il se doit, c'est que tu préserves la tête et ce qu'elle contient, c'est-à-dire les yeux et la langue. Tu regardes pas ce qu'il ne faut pas et tu ne dis pas autre que ce qui est permis. Walbatna wa ma hawa, le ventre et ce qu'il renferme. C'est-à-dire que tu t'efforces à manger de ce qui est halal. Certains disent aussi dans l'explication « al-batn », c'est-à-dire ça englobe aussi les mains, car elles sont proches du ventre, et les pieds. C'est-à-dire que tu fais attention à toutes tes actions. « Wa tadhkura al-mauta wal-bila » et que tu te rappelles de la mort. « Al-bila » c'est le fait de disparaître. « Wa man arad al-akhirata taraka zinata al-hayati dunya » et celui qui veut l'au-delà délaisse les parures de ce bas monde. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا. Il dit, celui qui a fait ça, il a eu honte d'Allah comme il se doit. Ça, c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah. Troisième point, c'est al-israfu wa al-tabdhir. Le fait d'exagérer, de gâcher, de gaspiller, de faire des excès. Donc, on a vu que l'israf, c'est dans ce qui est permis, et al-tabdhir, c'est dans ce qui est illicite. Donc, c'est le fait de trop dépenser de ce qui est permis. Par exemple, en faisant des tables, des gros festins au Maghreb, sachant qu'on ne va pas tout manger et que la majorité elle va finir à la poubelle. Ou alors carrément de dépenser dans ce qui est interdit. Donc, il a rappelé le hadith qui dit « Kulu wa sharabu wal basu wa tasaddaqu fi ghairi sarafin wa la makhila » dans le Bukhari. C'est-à-dire, mangez, buvez, habillez-vous, faites des aumônes, mais sans excès et sans orgueil. C'est-à-dire que l'être humain, alhamdoulilah, il peut manger de tout ce qu'Allah lui a mis devant lui sur terre tant que c'est licite. Également, il peut boire, il peut s'habiller, il peut donner des aumônes, mais il ne doit pas faire d'excès en cela, ni faire preuve d'orgueil et de vanité. Ensuite, il a cité « Al-i'tida ou fit du'a ». Le fait « Al-i'tida », c'est le fait de transgresser. Donc dans les « du'a ». Et il a cité ici un hadith du fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui un jour faisait des dua, et il a demandé à Allah le paradis, mais après il a détaillé. Il a dit, oh Allah, je te demande le paradis, et telle chose dans le paradis, et telle chose dans le paradis, et telle chose dans le paradis. Et son père Saad, il l'a entendu, radiallahu anhu, il lui a dit, sache que si Allah te donne le paradis, tu auras le paradis et tout ce qu'il y a dedans. Ça ne sert à rien de dire, je veux le paradis et les demeures du paradis et les rivières du paradis. Si tu as le paradis, tu auras tout ça dedans. Donc il lui a dit, et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sayakunu qawmun ya'taduna fi du'a. Il y aura des gens dans cette communauté qui transgresseront dans les invocations. Donc ce hadith, il est mujmal. Le hadith, il parle de transgresser dans les invocations. Mais qu'est-ce que ça veut dire transgresser dans les invocations? Ben, en fait, ici, on a le tafsir du Sahabi. On a l'explication de Saad ibn Abi Waqqas. Le fait qu'il ait blâmé son fils et qu'il lui ait dit ce hadith sur ce qu'il avait fait, ça prouve que c'est ça, ou c'est une sorte de al-i'tida ou fid-du'a, de transgression dans les prières, dans les invocations. C'est pour ça qu'après il lui a dit, il te suffit de dire Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Ou Allah, je te demande le paradis et tout ce qui rapproche du paradis comme parole et comme œuvre. Ça, c'est des du'a qui restent globales. Donc les du'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, généralement elles sont globales. Quelqu'un il pourrait me dire, bah, pourtant on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il dit, par exemple, Allahumma ghafir li khatayaya, Allahumma ghsinni min khatayaya, kama naqqayta al-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ghsinni min khatayaya bil-ma'i wal-thajj wal-barad. Dans certains hadiths, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Allah, lave-moi de mes péchés, comme on lave un vêtement blanc, des impuretés. Oh Allah, lave-moi de mes péchés avec de la neige et de la glace. Quelqu'un il pourrait dire, bah, là c'est l'i'tida fi du'a. Là ça n'en fait pas partie. Pourquoi? Parce que ça c'est seulement répéter ce que tu veux. C'est pas détailler le pardon. En fait c'est répéter, quand tu dis lave-moi avec la neige et la glace, lave-moi comme on lave un vêtement blanc, en fait tu fais que demander la même chose. C'est le pardon. Mais c'est une façon de l'exprimer autrement pour insister dans ta dua. Insister dans la dua, ça c'est pas l'i'tida fi dua. Insister dans les invocations, ça fait pas partie de transgresser dans les invocations. Donc c'est une façon de... Là, il n'a pas détaillé le sujet du péché. Mais c'est une façon de s'exprimer plus longtemps pour insister auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu comme Moussa quand il s'adressait à Allah. Bon, ça c'est une faïda qu'on sort un peu de la route. Quand Allah a dit à Moussa, qu'est-ce que c'est qui est dans ta main? Qu'est-ce qu'il a dit? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Il a dit, c'est mon bâton, je m'appuie dessus, je guide avec mon troupeau et j'ai d'autres utilités avec. Pourquoi il y a ça dans le Coran? Et pourquoi Moussa il dit ça à Allah? Il dit, c'est parce que c'est comme quand tu parles avec quelqu'un. Par exemple, tu l'appelles au téléphone, il y a longtemps que tu ne l'as pas vu. Ben, tu vas dire un peu tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, tu as envie de parler avec lui, c'est tout. Tu as envie de parler, tu as envie que ça dure. Donc Moussa, il a détaillé. Alors qu'il n'y a pas réellement un but à dire que ben, ça sert à mon troupeau, ça sert à m'appuyer, ça sert à faire ceci, ça sert à faire cela. C'est simplement parce qu'il avait envie de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, de profiter de cet honneur. L'autre erreur, c'est taklif ul ahl, le fait de trop exagérer en insistant, en imposant à sa famille, à sa femme, de faire telle nourriture, tel dessert, etc., etc. Bon, ça, c'est notre quotidien. Enfin, le quotidien des gens, je veux dire, autour de nous, c'est la règle de base, malheureusement. C'est que la femme, elle passe sa journée dans la cuisine, et puis le soir, comme elle est KO, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met devant la parabole, elle zappe. Bah ouais. Tu peux pas lui dire de passer 3 heures dans la cuisine, et le soir, lire le Coran et faire tarawih. Ça, c'est difficile. Donc le soir, au lieu de profiter des ibadat, bah, déjà la journée, elle profite pas du Coran, parce qu'elle profite que de la cuisine. Et le soir, elle est trop fatiguée, donc elle va faire des péchés, ou elle va regarder n'importe quoi, au lieu de profiter de la nuit des nuits du Ramadan. Bon, tout ça, bien sûr, ça vient du fait de ne pas comprendre ce que c'est que Ramadan. Ils croient que c'est comme ils disaient aux infos. Ramadan, c'est Noël chaque jour. Chez les gens de la Dounia, ceux qui ne font pas la prière, oui, c'est ça. Mais chez les musulmans, ça n'a rien à voir avec Noël, c'est pas une fête. Ramadan, c'est pas une fête. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si on lit un peu les hadiths, on observe que, ben voilà, ils s'empressaient de manger quand il y avait l'adhan du Maghreb, ils mangeaient ce qu'ils mangeaient d'habitude, et puis après, c'était terminé. Ils remangeaient au sahur, et puis c'est tout. Le point suivant, c'est An-Naum waqt as-sahar, le fait de dormir au moment du sahar. Donc là, il y a deux catégories de personnes qui le font, soit ceux qui ne vont carrément pas se lever pour le fajr, ou ceux qui vont se lever que pour prier le fajr. Mais donc, ils ratent le moment du sahar. Et en ratant le sahar, ils ratent le suhur, et ils ratent aussi ce qu'Allah dit dans le Coran, « Wabil ashari hum yastaghfirun » Et à ashar, c'est-à-dire à la fin de la nuit, ils invoquaient, ils imploraient le pardon d'Allah. Donc c'est un moment béni pour les invocations, pour demander pardon à Allah et pour prendre le suhur. Le point suivant, c'est « Adamu salat il fajr », le fait de ne pas prier le fajr, tout simplement. C'est-à-dire que ça, malheureusement, ça arrive qu'une personne, elle fait l'Isha, elle fait tarawih. Par contre, le fajr, ça va, c'est pas grave. Il dort, il ne met pas son réveil, il se dit « c'est pas grave, je suis trop fatigué ». Donc ça aussi, c'est un manque de fiqh, c'est un manque de compréhension. Il vaut mieux prier le fajr à l'heure. En admettant même qu'il n'arrive pas à aller à la mosquée, il vaut mieux qu'il le prie dans l'heure et qu'il ne fasse pas le tarawih. Il vaut mieux que de rater le fajr et de faire le tarawih. Ça, c'est inverser c'est inverser les choses. Le tarawih, c'est quelque chose qui t'est seulement recommandé, même si c'est fortement recommandé. Alors que le fajr, c'est un des piliers de l'islam. Tu ne peux pas sacrifier un des piliers de l'islam pour quelque chose qui est seulement recommandé. Il a rappelé quelques hadiths ici. Donc je les rappelle pour la faïda. Le hadith du prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man salla l'isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa l'layl, wa man salla l'subha fi jama'atin faka'annama salla l'layla kulla » dans Sahih Muslim. Celui qui prie l'isha en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie le fajr en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Et l'autre hadith, dans Muslim également, Man salla subha fa huwa fi dhimmatillah. Celui qui prie le subh, il est dans dhimmatillah, c'est-à-dire c'est comme s'il avait une protection, une garantie de la part d'Allah. Il est protégé par Allah. Le point suivant, c'est An-nawmu mu'zaman nahar, le fait de dormir la majeure partie de la journée. Donc ça, bien sûr, pour nous, on est dans des conditions un peu spéciales. Il se peut que nous, sans mauvaise volonté, on dorme une grosse partie de la journée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de nuit pour dormir. Mais on va parler du temps normal. C'est déconseillé de dormir la majeure partie de la journée pendant le Ramadan. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mafasid dans ça. Il y a beaucoup de choses négatives. Il y a le fait que c'est contraire à la sunna d'Allah. Parce qu'Allah a créé le jour pour s'occuper et la nuit pour se reposer. Il y a le fait que c'est un peu comme se plaindre de l'ibada. Celui qui dort toute la journée, c'est un peu comme s'il disait « c'est lourd ce jeûne de Ramadan ». C'est un peu comme s'il se plaignait. Et effectivement, c'est ce qu'on entend parfois dans les paroles des gens, quand ils te disent qu'ils dorment toute la journée, tu ressens qu'il en a marre de Ramadan. Et ça, c'est alors que Ramadan, normalement, on devrait remercier Allah et exprimer notre satisfaction d'être musulman et de pouvoir jeûner pendant le Ramadan. Même si on ressent en nous de la gêne et que c'est dur, etc. Mais ça, il faut, si on le dit, on le dit avec certains termes. On ne le dit pas comme si on se plaignait du mois de Ramadan. Et il y a également le fait qu'il va rater le fait de faire des bonnes œuvres pendant la journée et surtout la récitation du Coran. Le point suivant, c'est Briya'ul Awqat. Perdre son temps dans Al-Qil ou Al-Qal, dans les histoires. Hein. Bon, maintenant, on pourrait rajouter dans Facebook et Twitter la catastrophe mondiale. Bon, ça me choque toujours quand je vois des gens musulmans, et puis toute la journée, ils sont dans Twitter. Et ils répondent à des gens, ils lisent ce que l'autre a dit, ou bien dans Facebook, et ils postent et ils répondent, ou bien WhatsApp, etc. Le temps, il est plus cher que ça. Et il vaut mieux, à la limite, quand c'est Ramadan, si vraiment tu n'arrives pas à faire quelque chose de bien, il vaut mieux rester sur ton canapé, tu fais rien. En faisant rien dans ton canapé, au moins t'es sahim. Au minimum, tu es en train de faire une ibada, t'es jeûneur. Que de regarder la télé, même toutes les choses, je n'ai pas besoin de faire un dessin, toutes les choses inutiles, mais qui vont, en plus d'être inutiles, elles vont te détourner du rappel d'Allah et surtout elles vont te faire faire des péchés. Ensuite, le point suivant, qui va dans l'ordre des choses, c'est ihmal qira'ati al-Qur'an, le fait de négliger la récitation du Qur'an. Le point suivant, c'est tarkud du'a, le fait de ne pas faire d'invocation. Normalement, on doit faire plus d'invocations pendant Ramadan que d'habitude, pendant la journée et au moment de la rupture du jeûne. Tarkul maghribi fil masjid, ne pas faire la prière du maghrib à la mosquée. C'est-à-dire que certaines personnes, ils ont l'habitude de faire la prière, par exemple, malgré que la mosquée elle soit loin, mais il prie toujours à la mosquée. Il fait cet effort, malgré que ça ne lui est pas obligatoire. Puis quand vient Ramadan, le maghrib, non, il le prie à la maison. Pourquoi ? Prie le maghrib à la mosquée, et après tu vas manger chez toi, tu ne vas pas perdre... En plus, maintenant, le temps il est long jusqu'à l'Aïcha. Ou alors on a celui qui est à côté de la mosquée, donc lui son cas il est pire. Il y a beaucoup de gens comme ça, par rapport au fait qu'il faut manger, bah, ils se disent bah, « je prie le maghrib chez moi ». Alors que la mosquée elle est à côté. Ça c'est une erreur également que beaucoup de gens font. Le point suivant c'est « tarkut tarawih », le fait de délaisser les prières du tarawih. Parfois également on voit, bah, tous les soirs on le voit, certaines personnes qui font 4 rak'a et après ils partent. Bon. Alhamdoulilah, mieux que rien. Mais pour une demi-heure, franchement, pour une demi-heure, autant on rate ce fad dans lequel le hadith, dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il a la récompense d'avoir prié toute la nuit. Alors qu'avec tes 2 ou 4 rak'a, bah, tu as la récompense de 2 ou 4 rak'a. Pourquoi ? Pour gagner 20 minutes ou 30 minutes. Alors qu'en vérité, les 20 minutes ou 30 minutes, je suis sûr que quand tu rentres chez toi, tu les perds. Tu te dirais, je vais souffler un petit peu, puis à la fin, tu fais les 30 minutes, elles passent au moment où nous, on termine les tarawih. As-saharu tawil, le fait de trop veiller. Bon, nous, c'est un peu spécial parce qu'on n'a pas trop le choix de veiller, mais on va dire dans les journées normales, il est blâmable de veiller. C'est-à-dire de passer les nuits du Ramadan à veiller pour discuter, etc. etc. Pourquoi ? Parce que, ben, encore une fois, ça entraîne plein de choses négatives. Parce que généralement, la personne, si elle veille, c'est soit devant la télé, soit pour discuter. Donc après, elle va dormir la journée, etc. etc. Ça fait que entraîner des catastrophes. Al-aklu afna a adhan il-fajr. Le fait de manger pendant l'adhan du fajr. Ça, on l'avait déjà expliqué, que la limite pour manger, c'est l'heure du fajr. Donc dès que l'heure du fajr est entrée, il faut arrêter de manger. At-tafriṭ fi al-jam'i bayna jihad al-layl wa an-nahar. Il dit le fait de négliger de réunir le jihad du jour et de la nuit. Ici, qu'est-ce qu'il entend par le jihad du jour et de la nuit ? C'est le fait de jeûner la journée plus de prier la nuit. Donc il faut essayer de faire les deux pour vraiment avoir un énorme mérite. Et il a rappelé une parole de Al-Fudayl ibn Iyad qui disait rahimahullah: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قد قيدتك خطيئتك. Il dit, sache que si tu n'arrives pas à prier la nuit et jeûner le jour, c'est-à-dire à faire les deux, c'est que tu es mahroum, tu es privé du bien et ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. نقر صلاة التراويح. Et enfin il a dit نقر. Qu'est-ce qu'on appelle un نقر dans la salah ? C'est le fait de prier comme ça, sans respecter le Toma'nina, c'est-à-dire de prier, se prosterner, s'incliner, et on n'a même pas le temps de dire le tasbih, de le dire 3 fois. Donc ça s'appelle An-Naqr. Donc dans certains pays, c'est la coutume. Bon, nous, alhamdoulilah, on est quand même épargné de ça, que ce soit en France ou que ce soit dans les pays du Maghreb. Je pense pas que ce soit... personnellement, j'ai jamais entendu et j'ai jamais vu ça. Mais dans certains pays, c'est la normale. Quand ils font le tarawih, c'est la normale. C'est-à-dire que... Le but, c'est juste de faire leur 13 ou leur 11 ou leur 23 à la carte, et ils prient à toute vitesse. Dans certains pays, pour vous dire, j'avais un ami qui avait vécu au Liban, et il m'expliquait que le tarawih s'était inversé par la carte. Mais au point où le gars, il fait Wal asr, Allahu Akbar. Deuxième raka'a, Innal insan ala fi khusr, Allahu Akbar. Imaginez-vous la folie. Bon, le point suivant. Donc là, on passe au chapitre 25. En fait, entre le 22 et le 25, il y a Siyam al-Tatawwa, le jeûne surérogatoire, le jeûne interdit, etc. Ça, on verra à la fin, quand on aura tout fini. Bah, de toute façon, normalement, c'est aujourd'hui qu'on finit tout. Est-ce qu'on le fera après ? C'est-à-dire, quels sont les jeûnes qu'il est recommandé d'accomplir ? Quels sont les jours dans lesquels il est interdit de jeûner ? Pour l'instant, on le passe. Donc, on passe au 25e chapitre qui est Laylatul Qadr. Donc, il nous reste Laylatul Qadr et il nous reste Al-I'tikaf. Après, si vous regardez le livre, vous verrez que le cheikh il a rajouté Al-Ashrul Awakhir, etc. Mais il faut comprendre que le cheikh Saïd Al-Qahtani, si, pour ceux qui ont jeté un œil, dans ses livres, de toute façon, il le fait exprès, ça se répète beaucoup. C'est-à-dire que quand tu as lu le chapitre sur la nuit du destin, tout ce qu'il va dire sur les 10 derniers jours, tu l'as déjà lu. Mais il le répète exprès. Il refait un chapitre exprès sur ça. Donc c'est dans ses livres, les choses, les ma'loumat, les informations, les hadiths, ils se répètent énormément. Mais c'est fait exprès. C'est pour le détail. Donc nous, toute cette répétition, on essaye de l'éviter. Donc Laylatul Qadr, qu'on appelle la nuit du destin, Al-Qadr, dans Laylatul Qadr, ça peut vouloir dire Al-Sharaf. Al-Qadr en arabe, ça veut dire Al-Sharaf, Al-Azama, c'est-à-dire la valeur de quelque chose. Donc Laylatul Qadr, dans ce sens, ça serait la nuit qui a une grande valeur. Pourquoi ? Ben, pour toutes les choses qu'on va citer et qu'on connaît. Ça peut être également Al-Qadr, ça peut être également Al-Tadriq, le fait de serrer quelque chose, comme dans la Sourate Al-Fajr. Iza Qadara alayhi. Qadara qui veut dire resserrer quelque chose. Pourquoi ici Al-Qadar ? Ils disent parce que la terre, c'est comme si la terre était serrée tellement les anges descendent lors de la nuit du destin. C'est-à-dire l'espace est serré. Et enfin, l'explication la plus connue, c'est que Al-Qadar ici signifie Al-Qadar. Qu'on dit normalement Al-Qadar. Mais là on dit Al-Qadar. Qui veut dire le destin, comme quand on dit Al-Qadha ou Al-Qadar. Pourquoi ? Parce que c'est une nuit lors de laquelle le destin est détaillé pour l'année qui est à venir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an « Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundhirin » Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Qur'an, dans une nuit mubarakah. Mubarakah, c'est-à-dire une nuit qui est bénie. Quelque chose qui est Mubarak, c'est-à-dire qui est rempli de bien. C'est ça que ça signifie Mubarak. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Lors de cette nuit est détaillé tout ordre sage. Donc c'est-à-dire que le destin, il est déjà réglé et écrit avant la nuit du destin. Mais lors de la nuit du destin, il est détaillé yufraku. Yani yufassalu. Il est détaillé pour l'année à venir. Ça, c'est ce qui est rapporté notamment de Mujahid, de Ikrima et de Qatada sur l'explication de Laylatul Qadr. Ensuite, le cheikh, il a, comme à son habitude, parlé de Ta'arif Laylatul Qadr, la définition de Laylatul Qadr. Et encore une fois, je vous invite à revenir au livre du cheikh. Quand il fait la définition d'un point, par exemple du Sriyam ou autre, il va dire Qila, on a dit comme définition, on a dit, et il va citer toutes les définitions qu'il a trouvées. Et à la fin, il fait la sienne en regroupant toutes les définitions. Donc pour Laylatul Qadr, il a dit « Hiya Laylatul Mubaraka » C'est une nuit bénie. « Min layali al-ashri al-awakhiri min shahri Ramadan » qui fait partie des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. « Anzal Allahu fiha al-Qur'an al-Azim » lors de laquelle Allah a révélé le Qur'an. « Yufsalu ma yakunu fi s-sanati »« Fiha yufsalu ma yakunu fi s-sanati min al-maqadir » lors de laquelle est détaillé tout le destin qui est à venir pour l'année suivante. Al-amalu fiha khayru min al-amali fi alf shahrin laysa fiha laylatul qadr. Et les œuvres lors de cette nuit sont meilleures que les œuvres qu'on accomplit lors de 1000 mois qui ne contiendraient pas la nuit du destin. Voilà, ça c'est la définition vraiment, mashallah, complète de laylatul qadr. Le point suivant, c'est Laylatul Qadr baqiyatun ila qiyam as-sa'ah. Le fait que la nuit du destin reste avérée jusqu'au jour de la résurrection. Donc il a cité un hadith ici, un hadith qui est bien connu. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc un jour il est sorti dans la mosquée et il leur a dit Kharajtu li ukhbirakum bi laylatil qadr. Je suis venu pour vous informer de la nuit du destin, c'est-à-dire quand se trouve la nuit du destin. Fatalaha fulanun wa fulan. Mais un tel et un tel se sont disputés, Farufirat. Alors elle a été élevée. Quand il dit elle a été élevée, est-ce que ça veut dire il n'y a plus de nuit du destin? La suite du hadith, elle l'explique. Il dit wa asa an yakuna khayran lakum, et il se peut que cela soit un bien pour vous. Faltamisuha, alors cherchez-la fit tasira wa sabira wa khamisa, dans la 9e, dans la 7e et dans la 5e. Donc le fait qu'ils disent alors cherchez-la, ça veut dire que rufi'at, c'est pas rufi'at dans le sens où c'est tout, il n'y a plus de laylatul qadr. Mais rufi'at, yani ma'rifatuha, c'est le fait de la connaître qui a été enlevée, dont Allah a privé les gens. Ici, quand il dit cherchez-la dans la 9e, la 7e et la 5e, c'est-à-dire en partant de la fin du mois. Parce que les Arabes, ils s'expriment parfois comme ça. Ils disent par exemple, les 70 baqina min Ramadan. Au lieu de dire le 23, ils te disent quand il reste 7 de Ramadan. Donc la 9e, si on part de 30, ça fait la nuit du 22. Et non pas la nuit du 21, ça fait les nuits impaires. La 7e, ça fait la nuit du 24. La 5e, ça fait la nuit du 26. Et ça, c'est ce qu'expliquait Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, quand il a rapporté ce hadith, il a expliqué de cette façon. Donc il a expliqué par les nuits paires. Alors que ce qu'on connaît, c'est que elle est plutôt dans les nuits impaires. Troisième point, hiya fi Ramadan, le fait qu'elle est dans le mois de Ramadan. Donc ça, c'est assez clair, puisqu'Allah a révélé, il nous a dit qu'il a révélé le Coran dans la nuit du destin, et dans un autre verset, il nous dit que le Coran a été révélé pendant Ramadan. Donc forcément, c'est que Laylatul Qadr fi Ramadan. Et ça, c'est textuellement exprimé dans un hadith. On avait lu ce hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dakhala alaykum shahrun mubarak, est arrivé un mois béni. Il a dit plusieurs choses, et parmi les choses qu'il a dit, fiha laylatun hiya khayrun min alfi shahr min hurimaha fahuwa mahrum. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui en est privé, il est mahrum. C'est un vrai privé, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui est privé du bien. Ça, c'est dans le Bukhari aussi. Quatrième point, c'est que la nuit du destin, elle est dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, taharru laylat al-qadr fil ashri al-awakhiri min Ramadan, dans le Bukhari muslim. Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Un autre hadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. حديث دعاء عائشة رضي الله عنها qui disait quand les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète صلى الله عليه وسلم se veillait toute la nuit, c'est-à-dire qu'il était en ibadah toute la nuit, alors que le reste du mois il priait et il dormait. Il réveillait ses femmes et il se serrait la ceinture. Il se serrait la ceinture, ça a été expliqué de deux façons. Ça peut vouloir dire il n'approchait plus ses femmes pendant 10 nuits, et ça peut vouloir dire, c'est une expression en arabe qui veut dire redoubler d'efforts. Donc ça aussi c'est dans le Bukhari muslim. Ensuite le point suivant, hiya fi sab'i ahra, c'est qu'elle est plutôt dans les 7 dernières. Donc dans Ramadan, c'est sûr, elle ne peut pas être en dehors de Ramadan. Elle ne peut pas être en dehors des 10 dernières nuits. Par contre maintenant on va dire qu'elle est plutôt. On va parler de quand est-ce qu'elle est plutôt. Donc elle est plutôt dans les 7 dernières nuits. Donc dans un hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, il a dit Inna rijalan min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam uru laylat al-qadri fil manam fi sab'i al-awakhir. Abdullah ibn Omar, il dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait certains de ses compagnons qui avaient vu en rêve la nuit du destin dans les 7 dernières nuits. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. Il dit, je vois que vos rêves sont unanimes pour dire qu'elle est dans les 7 dernières nuits. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلِيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. Donc celui qui la recherche, qu'il la recherche dans les 7 dernières nuits. C'est-à-dire qu'elle est plutôt dans les 7 dernières nuits que dans les 3 premières. Des 10 dernières. فَقَالَ le point suivant, pardon, le 6e point, fil autari hiya fil autari akad, dans les 10 dernières nuits elle est plutôt dans les nuits impaires, puisque dans une version du hadith il a dit taharru laylatul qadr fil witri min al ashri al awakhir min ramadan, chercher la nuit du destin dans les nuits impaires, les 10 dernières nuits de ramadan. Ensuite, le cheikh, il a cité beaucoup de hadiths. Beaucoup de hadiths qui sont dans les livres de Sunan. Donc on va les citer, mais de façon résumée. Le premier, c'est un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui explique qu'une année, pendant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait vu en rêve que le matin de la nuit du destin, c'est-à-dire le lendemain matin, il se prosternait fil ma'i wa t-tin, dans l'eau et la terre. Donc il leur a informé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont prié le Fajr le jour du 21, donc la première des 10 dernières nuits, le lendemain de la première des 10 dernières nuits? Abu Sa'id al-Khudri dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné, il avait beaucoup plu la nuit et il avait de la terre, de la boue sur le front. Donc c'était la réalisation de son rêve. Puisque pour rappel, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son sol il était fait de terre, il n'y avait rien qui était posé, il n'y avait pas de tapis, etc. Donc s'il pleuvait, eh bien, ça faisait de la, entre guillemets, comme de la boue. Et donc, c'était la réalisation. Donc ça veut dire que cette année-là, la nuit du destin s'est réalisée le 21. Ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Il y a un autre hadith également, c'est le hadith de Abdullah ibn Unais, radiallahu anhu, qui explique que Abdullah ibn Unais, il vivait dans le Badia, dans la campagne. Et donc il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: dis-moi une nuit, je voudrais tomber sur la nuit du destin. Donc dis-moi une nuit où je viens à la mosquée, parce que le reste du temps je prie tout seul dans ma campagne. Alors il lui a dit: viens la nuit du 23. Donc encore une fois, c'est une nuit qui est impaire. Mais on voit que ce n'est pas la même nuit que dans le hadith précédent. Dans un autre hadith, ou plutôt un athar de Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, Ubay ibn Ka'b, lui, il jurait que c'était la nuit du 27. Et la personne, le tabi'i qui était avec lui, lui disait: mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? Et il disait: al-alama, les signes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le lendemain matin, le soleil n'a pas de rayon. Donc Ubay ibn Ka'b, il n'a pas dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le 27. Mais il a dit, moi je la reconnais comme étant le 27. Ça fait une grosse différence. Parce que si on comprend bien, on comprend que c'est l'opinion de Ubay ibn Ka'b. Donc ça ne contredit pas tous les hadiths. C'est juste que lui, il considérait que c'était le 27, parce qu'à chaque fois, le 27, il voyait le lendemain, au matin, le soleil sans rayon. On peut même le comprendre comme voulant dire que la plupart du temps, elle est le 27. Mais de dire que catégoriquement c'est le 27, ça contredit les hadiths qui sont plus clairs et qui sont plus authentiques. Donc c'est vrai que la nuit du destin, c'est la nuit la plus forte, ça reste le 27, par rapport à ce qu'il a dit Ubay ibn Ka'b, et c'est aussi ce que disait Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu. Donc la plupart des hadiths, la plupart des affaires qui précisent une nuit, ils parlent du 27. Mais on ne peut pas, sous couvert de ces hadiths, effacer les hadiths qui nous disent que c'est le 21, que c'est le 23, que parfois c'est dans les nuits paires, qu'il faut la chercher dans les 7 dernières nuits ou dans les 10 dernières nuits. Donc pour rejoindre tous ces hadiths, comme on va le voir par la suite, on dit qu'elle est plutôt le 27, mais pas forcément. Ensuite, le point suivant, c'est « Qad takunu fil ashfar ». C'est que malgré tout ce qu'on vient de dire, elle peut être dans les nuits paires. Donc on a déjà vu un hadith qui disait cela tout à l'heure. Et ensuite le hadith d'Ibn Abbas, ou plutôt la parole d'Ibn Abbas qui disait, radiallahu anhuma, il tamisu fi arba'in wa ishirin. Ibn Abbas il disait, cherchez la nuit du destin le 24. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Et dans une autre version du hadith d'Abdullah ibn Unais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand il lui a dit, quelle nuit, c'est quand la nuit du destin? Il lui a dit, quelle nuit sommes-nous? Il lui a dit le 22. Il lui a dit, c'est cette nuit. Ou demain. Donc le 22 ou le 23. Ça, c'est dans Sunan Abi Daoud. Ensuite, il y a également un hadith d'Abu Bakra, radiallahu anhu. Pas Abu Bakr, mais Abu Bakrata, radiallahu anhu. Donc on comprend la même chose. Et un hadith d'Ibn Abbas. Bref, il y a beaucoup de hadiths également qui montrent qu'elle peut être dans les nuits paires. Donc, le huitième point, c'est Laylatul Qadri Mutanaqqila. C'est que la nuit du destin, en réalité, elle est Mutanaqqila. C'est-à-dire, d'une année à l'autre, elle peut changer de date. Et ça, c'est l'avis de Soufiane al-Thawri, l'imam Malik, l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahawi et Abu Thawf, entre autres, comme le disait Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala. Donc les savants, même les quatre imams, ont divergé sur la date de la nuit du destin. Et quand on regarde tous les hadiths, qu'est-ce qui nous permet de prendre tous les hadiths et de les expliquer sans les rejeter? C'est de dire ça. C'est de dire que, en vérité, on ne sait pas quand se trouve la nuit du destin. Et c'est ce que le prophète a dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait « iltamisou », cherchez-la. Quand il disait « rufi'at », sa connaissance a été élevée. Ça prouve bien qu'on l'a. Il faut la chercher dans les 10 dernières nuits. Et le secret de cela, c'est quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « wa asa an yakuna khayran lakum », il se peut que ce soit un bien pour vous. Pourquoi? Parce que ça pousse le musulman à faire des efforts, non pas pendant une nuit, mais pendant 10 nuits. Donc il n'y a pas de mal à ce que, pour revenir au concret, comment on agit? Ben, comment on agit, c'est que dans les 10 dernières nuits, on va faire plus d'efforts que les 20 premiers jours du mois. Mais il n'y a pas de mal à ce que la nuit du 27, on redouble encore plus d'efforts. Par exemple, la nuit du 27, on prie toute la nuit, en jama'a par exemple. Et les 9 autres nuits, on prie plus qu'on priait les 20 premières nuits. Il n'y a pas de mal à faire ça. Dans le sens où, comme on a dit, le fait qu'elle soit mutanaqqila, qu'elle se déplace d'une année à l'autre, ça ne contredit pas le fait qu'elle est plutôt dans le 27. Donc elle est plutôt dans le 27, ensuite elle est plutôt dans les nuits impaires et plutôt dans les 7 dernières. Voilà comment on peut résumer le sujet. Le 9e point, c'est alamatuha, les signes de la nuit du destin. Donc pour les résumer, c'est le fait que au lever du soleil le lendemain, le soleil n'a pas de rayon. C'est-à-dire qu'il fait un cercle bien net. Et que la nuit elle-même, la lune, elle va être bien claire et on va bien voir les étoiles. Et c'est une nuit calme qui n'est ni chaude, ni trop chaude, ni trop froide. C'est ce qui est cité dans les différents hadiths. Donc on peut les citer en arabe. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, « Hiya laylatun talqatun baljatun la harra wa la barida ka anna fiha qamaran yafdahu kawakibaha la yakhruju shaytanuha hatta yudhi'a fajruha. » Ça c'est dans le sahih de Ibn Khuzaymah rahimahullah. 10e point, c'est « Ad-du'a laylat al-qadr ». C'est le fait qu'il est recommandé de faire plus de du'a que d'habitude lors de la nuit du destin. Et Aïcha, radiallahu anha, elle avait demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Si je tombe la nuit du destin, qu'est-ce que je dis ?» Et il lui a dit, « Dis, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'afu anni. » Oh Allah, tu es afuun karim. Afuun, c'est un peu comme ghafour, pardonneur. Karim, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Et le cheikh aussi, il a cité différents hadiths qui montrent que la meilleure chose qu'on puisse demander, c'est Al-Afiya ou Al-Mu'afat. Il a cité différents hadiths. Pas la nuit du destin, c'est des hadiths qui sont généraux. Mais il veut dire par là que la nuit du destin, si tu dois te concentrer sur une dua, sur une chose, demande Al-Afiya, demande Al-Mu'afa, qui veut dire le fait d'être préservé. Le 11e point, c'est Khasa'isu Laylatil Qadr. Quelles sont les caractéristiques qui distinguent la nuit du destin? Quels sont les mérites de la nuit du destin? Donc, premièrement, c'est que c'est la nuit lors de laquelle le Coran a été révélé. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est une nuit qui est mubaraka, comme Allah l'a dit dans la sourate Ad-Dukhan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Lors de cette nuit est détaillé le destin. Al-amalu fiha khayru min al-amali fi alfi shahr. Les œuvres qu'on y accomplit sont meilleures que les œuvres qu'on accomplirait pendant 1000 mois. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Également, Allah a donné une grande valeur à cette nuit et il a carrément révélé une sourate à son sujet. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est une nuit lors de laquelle les anges descendent en grand nombre, plus que d'habitude. C'est une nuit qui est salam. Salam hiya hatta matla'il fajr. Salam, c'est-à-dire elle est. Salam, c'est le fait d'être préservé du mal. Donc pourquoi elle est salam? Parce que lors de cette nuit, Allah pardonne beaucoup et affranchit beaucoup de personnes de l'enfer. Également, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie la nuit lors de la nuit du destin, ses péchés passés lui seront pardonnés, et donc c'est la meilleure nuit de l'année. Le 12e point, c'était kitmanu laylat al-qadr, mais on en a déjà suffisamment parlé, le fait que la nuit du destin a été cachée. Le 26e chapitre, c'est al-i'tikaf. L'i'tikaf qui est traduit souvent par la retraite spirituelle. Le bon mot pour traduire l'i'tikaf, c'est la retraite. Dans la langue française, le mot retraite, il peut vouloir dire ça, le fait de se retirer pour rester dans un endroit. Donc ce sujet, on va le résumer. Le sujet de l'i'tikaf, il est assez simple. En fait, l'i'tikaf, ça vient du verbe akafa qui veut dire rester, s'accrocher à quelque chose. Comme quand Ibrahim a dit à son peuple, ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Quelles sont ces statues auxquelles vous êtes akifun? C'est-à-dire vous y accrochez dans le sens où vous restez auprès de ces statues, vous collez à ces statues. On le trouve aussi dans le hadith de Abu Waqid al-Layfi radiyallahu anhu. Le hadith que vous connaissez tous qui est dans le Kitab al-Tawhid. Quand il raconte qu'après la bataille de Mecca, ils sont partis à Hunayn et ils ont vu des gens qui avaient, des mouchriquins qui avaient un jujubier. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Ya'kufuna 'indaha, c'est-à-dire ils se retiraient, les mouchriquins, auprès de cet arbre. Donc dans un sens religieux, ils restaient en dessous de l'arbre pour espérer la protection, la baraka de l'arbre. Et ils accrochaient leurs armes à l'arbre pour avoir sa bénédiction. Également, Allah dit dans le Coran, surat al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. N'ayez pas de contact avec vos femmes alors que vous êtes aakifun, retirés dans les mosquées. Donc, ça, c'est le verset qui, dans surat al-Baqarah, qui fait allusion à l'i'tikaf. Donc, l'i'tikaf, il est cité dans le Coran. Donc, l'i'tikaf, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se retirer à la mosquée. Dans une mosquée dans laquelle on accomplit les prières en groupe pour y adorer Allah pendant un certain temps. C'est ça l'i'tikaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pratiquait l'i'tikaf de façon régulière et il le pratiquait toujours pendant Ramadan. Il a fait l'i'tikaf les 10 premières nuits, ensuite les 10 nuits intermédiaires et vers la fin de sa vie, il faisait toujours les 10 dernières nuits. Bien sûr, pourquoi ? Pour tomber dans Laylatul Qadr. Et même ses femmes, certaines années, pratiquer l'i'tikaf. Et après sa mort, elle continuait de pratiquer l'i'tikaf. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était courant que les femmes pratiquent l'i'tikaf. Elles se faisaient une sorte de tente dans la mosquée et elles restaient ainsi pour adorer Allah. Le but et l'esprit de l'i'tikaf, qu'est-ce que c'est? C'est de se tourner vers Allah et de se concentrer sur l'adoration d'Allah. De plus être occupé par autre chose, de plus être occupé par la dunya, de plus penser à la dunya, etc. Et donc de là, le mu'takif, il a des règles à suivre. Les règles, c'est que il ne doit sortir de la mosquée que pour un besoin, qu'il ne peut pas accomplir à la mosquée. S'il sort de la mosquée sans un besoin particulier, il annule son i'tikaf. Également, il n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes avec sa femme. C'est-à-dire, s'il passe chez lui, par exemple, pour manger ou autre, il n'a pas le droit d'en profiter pour avoir des rapports charnels avec sa femme, sinon ça annule encore une fois son i'tikaf, conformément au verset qu'on vient de citer. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Aussi, le mot i'tikaf, on sait que le mot l'ibada, c'est large. Mais de quel ibada il doit s'occuper le mot i'tikaf? Des ibadat qu'on pourrait qualifier de mahda, les ibadat purs. Les choses qui ne peuvent être interprétées que comme des ibadat, comme la salat, la récitation du Coran, le dhikr, la méditation, méditer sur les signes d'Allah, méditer sur le Coran, al-istighfar, demander pardon à Allah, c'est ça l'i'tikaf. Donc il ne se dit pas par exemple, je vais lire un livre, c'est une ibada aussi, cherche le savoir. C'est vrai que c'est une ibada, mais l'i'tikaf, normalement, c'est plus pour les ibadats qui sont entre toi et Allah, les ibadats purs, qui consistent à la prière, le Coran, etc. Bien sûr, selon sa capacité, si vous et moi maintenant on fait les actifs, c'est sûr qu'on va pas tenir toute la journée comme ça. Mais le but c'est de le faire au maximum, c'est-à-dire au maximum de se concentrer sur ça. Quand j'étais en Arabie Saoudite, souvent dans les khutbah ou dans les durus, ils faisaient ce rappel. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient les itikaf entre eux. Puis en fait, leur itikaf, c'était les vacances, quoi. Ils ramenaient des sacs de bouffe, enfin, ce qui était autorisé dans la mosquée, des super bonnes dattes, etc., du thé, plein de thermos. Puis en fait, le itikaf, c'était qu'ils mettaient des tapis comme ça, ils se mettent en groupe, puis ils tchatchent toute la journée. Ils parlent, ils rigolent, ils dorment. Et ça, bon, c'est pas... Bon, ils sont en itikaf. Mais ils contredisent le but de l'Itikaf. C'est pas ça le but de l'Itikaf et c'est pas ça l'esprit de l'Itikaf. Donc ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler, qu'on n'a pas le droit de plaisanter, etc. Mais ça veut dire qu'on doit se concentrer sur l'Ibada au maximum. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, parfois ses femmes, elles venaient le voir et il restait avec elles pour discuter pendant l'Itikaf. Comme avec sa fille, radiallahu anha. Et ensuite il est sorti pour la raccompagner chez elle. Parce que là, c'était réellement un besoin. Donc même manger, si le mu'atakif peut manger dans la mosquée, il se contente de ce qu'on lui donne à la mosquée. Il sort que pour un besoin qu'il ne peut pas accomplir à la mosquée. Ensuite, les savants ils ont divergé sur la durée de l'i'tikaf. Et pour citer l'avis du Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, pour ne pas trop s'étendre, Ibn Baz, il considérait que n'importe quelle durée peut être un i'tikaf. À partir du moment où on en met la niya. Si je mets la niya par exemple entre l'Asr et le Maghrib, je fais l'i'tikaf, c'est un i'tikaf. Et tu auras la récompense selon la durée que tu as pratiquée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte qui précise la durée de l'i'tikaf. Le seul texte qui existe, dont on pourrait comprendre une durée, c'est le fait que Omar, radiallahu anhu, quand il est entré dans l'islam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dans la Jahiliya, il avait fait le vœu de faire l'i'tikaf une nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'accomplir son vœu. Donc c'est la durée minimum qui est rapportée dans les hadiths, c'est une nuit. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire moins ou deux, ou moins d'une journée, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'i'tikaf ? C'est que l'i'tikaf, il est permis dans toutes les mosquées. Mais il faut que ce soit des mosquées où on accomplit les prières en groupe. On accomplit les prières en groupe. Pourquoi ? Pour pas que le mu'atakif il ait à sortir justement de la mosquée. Parce que le but c'est qu'il reste dans la mosquée. Et l'i'tikaf il est nullement restreint aux trois mosquées, mosquées les plus valeureuses qui sont Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Nabawi et Al-Masjid al-Aqsa. Même si un hadith dit l'i'tikaf illa fil masajid al-thalatha, la plupart des muhadithis, si ce n'est l'unanimité, ils ont rejeté ce hadith. Et considère qu'il n'est pas de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il est de la bouche de Saïd ibn al-Musayyib. Et donc comment on va l'interpréter ? Juste par le fait que le meilleur i'tikaf, c'est dans ces trois mosquées. Comme dans beaucoup de hadiths, quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, « La hasada illa fi thnatayn », le hadith qu'on a vu hier. Il n'y a de jalousie que dans deux cas. Celui qui récite le Coran et qui prie avec, et celui qui a beaucoup d'argent, il le dépense fi sabilillah. D'accord ? Donc maintenant, si quelqu'un il fait le hajj, je ne vais pas être jaloux de lui. On parle de la bonne jalousie. Je ne vais pas l'envier. Il fait le hajj tous les ans. Bien sûr que je vais l'envier. Une bonne envie. C'est-à-dire que j'ai envie d'être comme lui. Donc que veut dire la hasada illa fi thnatayn ? C'est-à-dire que le meilleur hasad, c'est dans ces deux cas. Ça ne veut pas dire qu'il est restreint à ces deux cas. Donc c'est de la même façon, même si le hadith il est authentique. Il n'y a d'i'tikaf que dans les trois mosquées, on ne pourrait pas le comprendre tel quel, que l'i'tikaf n'est permis que dans les trois mosquées. Pourquoi ? Ce que je vous dis à chaque fois. Parce que depuis toujours, les musulmans ils font l'i'tikaf dans toutes les mosquées, tout simplement. Donc là, le hadith il n'a pas pu échapper à la umma entièrement. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, « La tajtabi'a ummati ala balala ». C'est pas possible que toute la Oumma elle savait pas ça et nous, 1400 ans après, on le découvre. Ça n'existe pas. Donc même si le hadith il était authentique, ou si certains savants le considèrent authentique, bien, il faut comprendre son sens. Son sens c'est que le meilleur i'tikaf, c'est l'i'tikaf digne de ce nom, c'est celui qu'on accomplit dans les trois mosquées, entre guillemets, sacrées, même si ça ne se dit pas, les trois mosquées sacrées. La seule mosquée sacrée c'est laquelle ? Mecca, parce que c'est la seule qu'Allah a appelée Al-Masjidul Haram. Celle de Médine, c'est Al-Masjidul Nabawi, la mosquée prophétique. On va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Donc on aura fini tout ce qu'il y avait à faire, plus ou moins. Alhamdoulilah, on l'a fini. Ça vous dirait de faire un dimanche de pause? Un dimanche prochain, on fait une pause. Il reste combien de dimanches là, pour Ramadan? Qui c'est qui peut me dire le calcul? Deux, donc un peut être l'Aïd. Donc ce que je vous dis rendez-vous après Ramadan. Tout simplement, inch'Allah. Voilà. Barakallahu fikoum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ah.